Chapitre 6. Cour de Kong Fouénan Rosporden, justice seigneuriale. Nous allons rappeler un ordre de choses disparues depuis moins de 120 ans, qu'ont vu les grands-pères des hommes comme moi, septuagénaires, et qui est à peu près inconnu de leurs petits-fils. Par malheur, nous n'avons les archives de la cour de Concarneau qu'à partir de 1688, et nous ne trouvons de renseignements sur les justices seigneuriales que dans les archives de la cour. Notre étude sera donc presque renfermée dans le XVIIIe siècle. Mais on verra que, sauf en deux points importants, les institutions judiciaires n'ont guère changé depuis leurs origines. Premièrement, cour ducale puis royale. La châtellenie n'eut qu'une cour de justice dont le siège fut à Concarneau. Nous avons montré ce siège existant au XIIIe siècle et nous avons mentionné la construction de son auditoire dès cette époque. Au XIIIe siècle, la Bretagne était partagée en 8 grandes divisions dites baillis : Nantes, Rennes, Boërec ou Vannes, Ploërmel, Cornouailles, Léon, Tréguier ou Goëlo, Penthièvre. Ces circonscriptions domaniales et judiciaires représentaient les anciens comtés, désormais réunis dans la main du duc. À la tête de chacune d'elles est un sénéchal, grand officier ayant part à l'administration, mais chargé surtout de la justice. Le corps judiciaire, la sénéchaussée, dont le sénéchal est le chef, juge en appel les sentences rendues par les justices royales, dites bailliages, puis sénéchaussées ordinaires, comprises dans le ressort de chaque bailli. L'abbaye de Cornouailles comprenait l'évêché de Cornouailles ou de Quimper, moins pourtant sa pointe extrême nord-est vers Pontivy. Dans ce vaste espace étaient 9 sièges ducaux, dont les principaux, Concarneau, Châteaulin, Carhaix, Gourin, Quimperlé. Tant que subsista l'organisation des baillis, Concarneau garda la paisible possession du siège. Mais, au milieu du XVIe siècle, cet heureux paix fut troublé. Par édit de mars 1551-1552, Henri II partagea la Bretagne entre 4 présidiaux, dont les sièges furent établis à Nantes, Rennes, Vannes et Quimper. Entre autres attributions, les présidiaux eurent le jugement des appels des sénéchaussées ou sièges ordinaires de leur ressort. Le ressort du présidial de Quimper comprit l'ancienne baillie, moins l'arrondissement actuel de Quimperlé, mais plus l'évêché de Léon, et à l'est de Morlaix, une partie de l'évêché de Tréguier. C'est un ressort plus vaste que celui de la cour d'assises de Quimper. Il faut remarquer que le présidial ne formait pas une compagnie distincte de la sénéchaussée siégeant dans la ville présidiale. Le sénéchal resta chef de la sénéchaussée ordinaire, assisté de l'alloué, premier juge, et du lieutenant, deuxième juge. Il devint chef du présidial composé de 7 conseillers, un avocat du roi et un greffier. Il présida ainsi une compagnie de 10 à 12 juges. Or, les sénéchaux des 4 villes présidiales, ainsi accrus en dignité, furent pris d'une commune ambition. Chacun prétendit élargir le ressort de sa sénéchaussée ordinaire. Le moyen sembla tout simple, unir les sièges royaux à la sénéchaussée présidiale. Mais unir, par exemple, le siège de Concarneau à Quimper, n'est-ce pas supprimer le siège de Concarneau? Cette suppression portait préjudice aux villes et lésait les intérêts des officiers qui avaient payé leurs charges. Villes et officiers protestèrent et alors commencèrent des débats, disons mieux, une lutte qui eut de singulières péripéties. L'édit de 1552 énumère 42 sièges royaux. Les présidiaux représentèrent que beaucoup pouvaient être unis à d'autres. C'était vrai pour plusieurs. Ces observations furent écoutées. Par lettres données à Troyes, le 29 mars 1564-1565, Charles IX ordonna une information sur ce point, et par édit d'octobre 1565, rendu à Châteaubriant, 23 sièges furent unis aux 19 sièges conservés. Les habitants de Châteaulin, la sénéchaussée et ressort de Conque, Fouénan, Rosporden eurent beau protester contre leur union à Quimper, l'union fut ordonnée. Mais l'exécution de l'édit n'alla pas toute seule. Ainsi, en fait, c'est seulement 2 ans et demi après l'édit, le 22 mars 1568, que la sénéchaussée de Quimper vit se réaliser l'union de Châteaulin. En fut-il de même de Concarneau? Nous ne pouvons le dire. Ce que nous savons, c'est que 20 ans après l'édit, la juridiction de Concarneau était distincte de celle de Quimper. Voici la preuve de ce fait. En 1587, la communauté de Quimper, d'accord cette fois avec le siège, ce qui n'était pas toujours, se met à solliciter l'union de Concarneau à Quimper, et même l'union de Gourin, dont le ressort confine avec celui de Concarneau vers Sker. Cette union accomplie, le ressort de la sénéchaussée ordinaire de Quimper contiendra presque entièrement les deux arrondissements actuels de Quimper et de Châteaulin, plus une partie de l'ancien évêché de Cornouailles, comprise aujourd'hui dans le Morbihan, Gourin et le Faouët. Des débats s'engagent que termine un accord dont nous ne savons pas les termes, mais que la communauté de Quimper ratifie. Est-ce en vertu de cet accord, n'est-ce pas plutôt à la faveur des troubles qui suivirent, que s'accomplit cette double union? Du moins, existait-elle avant la capitulation accordée à Quimper par le maréchal d'Aumont, en octobre 1594? Dans le projet de capitulation qui doit être soumis au roi, se lit la phrase suivante, dictée sans doute par le sénéchal Le Beau, qui n'oublia jamais ses intérêts personnels. Les bailliages de Châteaulin et autres, Concarneau et Gourin, unis à la juridiction de Quimper, s'exerceront en l'auditoire de Quimper comme à présent. Le roi, conseillé peut-être par le maréchal d'Aumont, corrigea la phrase et écrivit « L'exercice de la juridiction se fera ainsi qu'auparavant les troubles. Quoi qu'il en soit, avant 1622, Châteaulin, Gourin et sans aucun doute Concarneau étaient rentrés en possession de leur siège. Ces unions de siège avaient pour inconvénient d'éloigner le juge du justiciable. Mais cet inconvénient était moins grave qu'on ne pourrait croire. Les justices seigneuriales jugeaient bien plus d'affaires que la justice royale. Elles allaient subsister, et c'est seulement leur juge d'appel qui était éloigné des justiciables des seigneurs. Du reste, une fois rentré en possession du siège, la ville de Concarneau le garda jusqu'à l'organisation nouvelle de la justice en 1789. Voilà donc un édit du roi resté sans exécution en ce qui concerne Châteaulin et Concarneau. Officier de justice. La cour de Concarneau se composait seulement d'un sénéchal, d'un lieutenant, d'un procureur du roi et d'un greffier. Il n'y avait pas d'alloué. Le sénéchal est dit premier magistrat, juge civil et criminel de la sénéchaussée. L'alloué est le premier assesseur, le lieutenant est le second. N'ayant pas d'alloué, le sénéchal juge seul. De même le lieutenant qui ne juge que comme suppléant du sénéchal. Sénéchal, lieutenant, procureur du roi ont acquis leurs offices qui deviennent en leurs mains une propriété transmissible à prix d'argent. Au contraire, le greffier n'est pas acquéreur et propriétaire du greffe. Il en est devenu locataire par adjudication et pour un temps, semble-t-il, assez court. Les officiers attachés au siège étaient nombreux. Quelques avocats, d'ordinaire, juges ou procureurs fiscaux dans des juridictions seigneuriales voisines. 20 notaires, en 1728, en même temps procureurs, avoués. Plus tard, ce cumul passa de mode. En 1788, il n'y a plus que 13 notaires, dont 2 seulement sont dits procureurs, soit 13 notaires et 10 procureurs, 2 huissiers, 5 sergents. Ajoutons comme ayant des relations habituelles avec le siège, un commissaire aux saisies immobilières, un priseur juré vendeur de meubles, commissaire-priseur, un juré crieur. Les procureurs, souvent notaires, et des sergents, demeurent hors de la ville, quelques-uns à 3 ou 4 lieues. Or, l'audience s'ouvre à 8 heures, c'est de bonne heure pour ceux qui demeurent si loin. Un jour, le 18 septembre 1690, en pleine audience, un quidam qualifié maître faisant pour le greffier demande au procureur du roi pourquoi, contre l'ordre, l'audience commence-t-elle si tôt. Si cela continue, je porterai plainte au Parlement. La réponse du procureur est bien simple. L'heure a été fixée par arrêt de règlement dont j'ai assuré et dois assurer l'exécution. Mais, relevant bientôt le ridicule défi de ce maître maladroit, voilà le procureur rappelant aux huissiers et sergents qu'ils doivent résider au siège de la juridiction, 20 mars 1691. Il n'obtient pas, à ce qu'il paraît, l'obéissance, et le 6 novembre suivant, il requiert et obtient commandement aux huissiers et sergents de résider dans la ville sous peine d'interdiction des fonctions de leur charge. L'audience continue à s'ouvrir à 8 heures. Elle était suspendue pour le dîner de midi, puis se tenait une audience de relevé. La cour siégeait le lundi. Si les 2 audiences du matin et de relevé n'avaient pas suffi à l'expédition des affaires, la cour siégeait le mardi. Compétence. Comme nos tribunaux d'arrondissement, la cour avait compétence civile et criminelle. De plus, elle avait des pouvoirs de police et même d'administration aujourd'hui dévolus à l'autorité municipale. Nous passerons brièvement sur ces divers objets. Compétence civile. La cour, c'est-à-dire le sénéchal seul, en son absence, le lieutenant seul, jugeait, premièrement en appel, toutes les sentences des justices seigneuriales dites inférieures. Deuxièmement, en première instance, les affaires concernant les vassaux du duc, puis du roi. Anciennement, toutes ces sentences allaient en appel à la sénéchaussée de l'abbaye. Une cause de 5 sols pouvait passer par tous les degrés de juridiction. Des sièges ducaux, exemple Concarneau, puis Quimper, elle allait par contredit, premier appel, aux sénéchaux de Rennes et de Nantes. De là, par autre appel, au Parlement des ducs, d'où elle pouvait, en 2 cas, passer au Parlement de France. Le présidial, tribunal d'appel, arrêta heureusement le plus grand nombre de ces affaires. Sont de la compétence de la cour toutes les affaires portées aujourd'hui devant les juges de paix ou les tribunaux d'arrondissement. La cour enregistre et publie les édits, déclarations, lettres patentes, les arrêts de règlement du Parlement ou ceux dont le Parlement a ordonné la publication, certaines ordonnances du gouverneur de Bretagne, les convocations aux États, les monitoires, aggraves et réaggraves. Note. Le monitoire est le commandement fait par l'official aux fidèles de révéler ce qu'ils savent sur le fait énoncé, sous les peines canoniques. L'aggrave est la fulmination d'un second monitoire, le premier ayant été sans effet. La réaggrave est un dernier monitoire après lequel la désobéissance a encouru les peines canoniques, l'excommunication. Fin de note. La cour complète ou rectifie après enquête les actes de l'état civil dressés alors par les curés. Elle reçoit les aveux faits au roi et auparavant au duc, c'est-à-dire la déclaration solennelle du vassal de la seigneurie royale qu'il tient son fief du roi, son seigneur. Elle reçoit le serment des experts, de divers fonctionnaires ou officiers, des médecins chirurgiens qui ont passé avec succès l'examen requis et fait le chef-d'œuvre de l'amputation. Une fois au moins, la cour a reçu un barbier, perruquier, baigneur, étuviste. Outre ces audiences ordinaires, la cour tient tous les 3 mois des audiences solennelles, appelées par la coutume assises et dites depuis plaides généraux. Là sont évoqués tous les officiers du siège, les seigneurs sergents féodés et sergents voyers. Là se font les appropriements, c'est-à-dire les mises en possession des acquets après 3 bannis, des actes qui les constatent. Compétences criminelles. À la différence de nos tribunaux, la cour avait toute compétence criminelle, correctionnelle, de simple police, comme nous disons. Au temps reculé, les seigneurs des hauts justiciers devaient juger beaucoup d'accusations criminelles. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, nombre de hautes justices ne s'exerçaient plus. À cette époque, les cours, comme celle de Concarneau, auraient donc eu à juger souvent aux grands criminels si le présidial n'avait évoqué nombre d'affaires pour les juger prévotalement, c'est-à-dire sans appel. Toutefois, au cours du XVIIIe siècle, nous voyons la cour condamnée pour vol qualifié, violence grave, infanticide et même assassinat. Plusieurs fois, elle prononce les peines de la pendaison, des galères même perpétuelles. Et 2 fois, elle porte pour vol et meurtre et assassinat sur la voie publique la peine affreuse de la roue. La sentence dit que le condamné aura les bras, jambes et reins rompus vifs sur un échafaud et sera ensuite étendu sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y finir ses jours tant qu'il plaira à Dieu le laisser vivre. Mais la cruelle curiosité des spectateurs sera déçue. Ces sentences, si elles avaient dû être réellement exécutées, auraient contenu une disposition secrète, un retentum, disant que les condamnés seront étranglés avant de recevoir les coups. Mais les deux condamnations sont prononcées contre les fugitifs, elles ne seront exécutées que par effigie, c'est-à-dire que chacune des sentences sera affichée sur un poteau dressé au lieu de l'exécution. La seconde sentence ordonne qu'après l'exécution au faubourg de la ville, le cadavre sera porté et exposé sur un poteau planté à cette fin au bas de la montagne de Lacamande, près le pont Saint-Laurent, et dans l'endroit où a été porté, jeté, trouvé et levé par la justice le corps de l'assassiné Le Mao, c'est-à-dire près du moulin de l'ancien prieuré de Locaman, sur la route de Concarneau à Quimper. C'est le moment de nous expliquer sur un point indiqué plus haut. Je veux dire le nombre des juges et sur l'appel en cause criminelle. Nous avons dit que le sénéchal, ou à défaut le lieutenant, jugeait seul. Au civil, c'est vrai d'une manière absolue. Au criminel, une explication est nécessaire. Notre très ancienne coutume, 1330-1340, semble effrayée du pouvoir donné à un homme de prononcer la peine de mort et de la responsabilité qui pèsera sur lui jugeant seul. De là les conseils qu'elle donne ou les obligations qu'elle impose au juge. Nul juge ne doit condamner à mort si justice ne trouve chose certaine. Car justice doit être plus émue, désireuse, d'absoudre que de condamner. La cause doit être plus claire que les étoiles du ciel. Ceux qui ont justice à gouverner doivent appeler à leurs audiences ceux qui savent les droits et les coutumes. Nous voyons ce conseil de la coutume suivi dans une cause trop célèbre, celle de Gilles de Laval, baron de Retz. Ce brillant compagnon de Jeanne d'Arc, maréchal de France, comparaît le 25 octobre 1440 devant Pierre de l'Hospital, sénéchal de Rennes et président de Bretagne. L'audience se tient au Bouffet de Nantes, où avoit telle assemblée de gens que le Bouffet en estoie plein. C'est devant cette multitude que l'accusé confesse ses crimes et en témoigne un repentir aussi sincère qu'il a été tardif. À ce moment, le président demande l'advis de plusieurs sèges et gens du conseil ilèque assistant, que, qui, dire qu'il, Gilles, estoie digne de mort, les uns à la souffrir en une manière et les autres en une autre manière. Ces mots « les uns, les autres » ont leur intérêt. Ils indiquent que nombre de sèges et gens du conseil ont donné leurs avis, puisque plusieurs, les uns, ont émis une opinion et plusieurs encore, les autres, une opinion contraire. À quel titre ont-ils émis ces avis? Est-ce comme assesseurs du président avec voix délibérative, en sorte que la majorité de leurs voix, contraire à l'opinion personnelle du président, dictera la sentence qu'il va rendre? Ne leur a-t-il pas demandé simplement conseil? Il y a toute apparence. En effet, la sentence de mort par le feu prononcée, le président, sans plus consulter, fixe l'heure de l'exécution le lendemain, décide que, attendu la bonne contrition du condamné, son corps, après la mort, ne restera pas exposé à la flamme pour être entièrement consumé. Il permet à Gilles de marquer le lieu de sa sépulture et s'engage à solliciter de l'évêque la procession que Gilles a demandée comme une grâce et une expiation. Cet exemple permet de dire qu'au XVe siècle, et sous notre très ancienne coutume, réformée seulement en 1539, le juge criminel, même s'entourant de conseils, condamnait seul à mort. L'usage ou la jurisprudence changea-t-elle? Du moins voyons-nous, en 1771 et 1788, le dernier sénéchal de Concarneau appeler à lui dans les causes capitales, non plusieurs hommes de loi, comme avait fait le président de Bretagne, mais seulement deux, auxquels il donne le titre d'assesseur. Il semble ainsi indiquer qu'ils jugent avec lui comme auraient fait alloué et lieutenant si le siège avait été composé de trois officiers. Ainsi, la responsabilité d'une condamnation à mort pèse, et de quel poids, sur un seul, au XVe siècle, quand la sentence est sans remède, sans appel. Au contraire, la responsabilité se partage entre trois au XVIIIe siècle, quand elle est bien moins lourde, puisque la sentence sera toujours soumise au juge d'appel. C'est ce que nous allons voir. Nous avons dit plus haut la multiplicité des degrés d'appel en matière civile, même dans les plus minimes affaires. À la même époque, et par une singulière anomalie, l'appel au criminel n'était pas reçu. C'est-à-dire que toutes condamnations à des peines corporelles et même à la mort étaient prononcées sans appel possible. Si la peine est prononcée sans appel, on juge qu'elle doit être prestement exécutée à la fin d'exaucer justice et de donner exemple. On condamnait le matin et on faisait exécuter l'après-midi. L'appel fut introduit seulement en 1538 après l'union de la Bretagne à la France. Il était facultatif pour le condamné seulement et la partie civile. Vers la fin du siècle suivant, la grande ordonnance criminelle d'août 1670 rendit l'appel nécessaire et de droit. Le procureur du roi ou le procureur fiscal du haut justicier était tenu d'interjecter appel hors les cas prévôtaux et présidiaux. L'appel allait au Parlement. Quand, après l'ordonnance de 1670, les condamnations ne furent plus exécutées qu'en vertu d'arrêt du Parlement ou jugement prévôtal, la promptitude de l'exécution resta la règle. Les sentences de punition de corps doivent être promptement exécutées au lieu plus exemplaire, en terreur du peuple. Article 637, nouvelle coutume. Exécution, gibet, prison. À Concarneau, les exécutions se faisaient d'ordinaire au moins au XVIIIe siècle, soit sur la place de la ville close, soit plus souvent sur la place du Faubourg. Mais il semble qu'anciennement, on pendait au gibet ou fourche patibulaire, ou selon l'expression usuelle, à la justice du roi, près du village de Quérancalvez, de l'autre bord de la chambre, le bras de mer du passage. Nous venons de nommer le gibet. Un mot d'explication. On confond souvent, mais à tort, la potence et le gibet. La potence, dont la forme est bien connue, était l'instrument du supplice de la pendaison. La potence était élevée par ordre des juges sur une place des villes et disparaissait après l'exécution. Le gibet était un édifice permanent composé de plusieurs poteaux de bois ou plus souvent de pierre, unis par des traverses munies de crochets. Détachés de la potence, les corps des hommes suppliciés étaient accrochés au gibet et y restaient exposés jusqu'à leur destruction au moins partielle. Ainsi, on pendait à la potence, on exposait au gibet. Mais on prit de bonne heure l'usage de pendre au gibet au moins les suppliciés dont les corps devaient y être exposés. On s'épargnait ainsi le transport des corps de la potence au gibet, qui pouvait être assez éloigné du lieu de l'exécution. Après ce que nous avons dit de l'exposition des corps, on comprendra que les gibets ne pouvaient être construits dans l'intérieur des villes, mais à la campagne, au bord d'une grande route, sur un lieu élevé, afin, disait-on, de porter au loin la terreur. La cour avait sa prison, nous l'avons mentionné plus haut. Les conseillers de la Chambre des comptes venus à Concarneau en 1640 nous la montrent au voisinage de la chapelle Notre-Dame. Par une singulière dérogation à l'usage, que je n'ai pas rencontrée ailleurs, un seigneur haut justicier était un féodé de la garde et des clés de cette prison royale, et il en fournissait le geôlier. À quelles conditions? C'est ce que je ne puis dire. Autrefois, le geôlier n'était pas payé, du moins d'ordinaire. Au contraire, il payait la ferme de la prison. Le roi, dans les prisons royales, fournissait une livre et demie de pain par jour à chaque prisonnier. Le geôlier ne leur devait que l'eau. Les prisonniers qui en avaient le moyen ajoutaient ce qu'ils pouvaient à cette maigre pitance, la charité privée venait au secours des indigents, et le geôlier tirait profit de ses fournitures supplémentaires. Correctionnellement, la cour juge des vagabondages, des coups et violences, des scènes de cabaret, des vols et escroqueries, comme de nos jours. En simple police, nombre d'injures et de tapages injurieux. C'est ainsi qu'en juillet 1771 est poursuivi un montreur de marionnettes nommé Rivière. Huit marchands et négociants de Concarneau ont porté contre lui une plainte indignée. Et pourquoi? Il a osé chansonner la rogue d'une manière satirique. Quand s'ouvre l'audience, toute la ville est là partageant l'indignation des plaignants. Interrogés sur les injures contenues dans la chanson, les plaignants s'excusent. Ces grossièretés sont telles que la pudeur défend de les répéter. Mais comment le juge, s'il ne les connaît pas, pourra-t-il les apprécier? Rivière produit des témoins à décharge. L'un déclare que l'auteur de la chanson n'est pas Rivière, c'est le procureur du roi présent à l'audience. D'autres témoins affirment que s'il n'est pas l'auteur, il est du moins le promoteur de la chanson. et que, pour l'entendre aux représentations de Rivière, il se déguise en matelot. Enfin, ils prétendent qu'il protège Rivière et qu'il lui fait ouvrir les portes de la prison. Quelle fut l'attitude du procureur du roi ainsi incriminé et exposé au rire de l'auditoire et à l'indignation des plaignants? Quelle fut la surprise du sénéchal en présence de telles révélations? Ce que nous voudrions savoir et dire, c'est la sentence rendue. Il semble qu'il n'y en ait pas eu. En simple police aussi, la plainte du procureur du roi contre les bourgeois qui paraissent chaque jour sur les pavés de la ville portant l'épée, comme les nobles, et contreviennent ainsi à l'arrêt du Parlement du 30 juin 1767. Police administrative. Le siège règle la police des halles et réfrène les perceptions abusives de l'afféagiste de la coutume, c'est-à-dire des droits d'entrée de place, etc. Il nomme les appréciateurs du blé, vin, pain, viande et chandelles, dresse et affiche la pancarte, taxe, du prix de ces objets. Il nomme le vérificateur des poids et mesures et reçoit ses procès-verbaux. Il défend de sortir de la ville avec des haches pour aller couper, ou mieux faire, du bois mort aux campagnes voisines. Il défend de refuser les pièces de 2, 6, 12 et 24 sols usées, pourvu qu'elles soient encore marquées d'un côté. Un jour, il ordonne aux huissiers de la sénéchaussée de se transporter en force à la campagne pour arrêter un fou furieux et dangereux et le déposer provisoirement dans une casemate de la ville. Il fait commandement à un de ses sergents de mettre à exécution le rôle de la capitation vers les refusants de payer, à peine d'en demeurer personnellement responsable. Il fait défense aux habitants de Concarneau et du bourg de Tréguin, au soir de Saint-Jean et de Saint-Pierre, d'allumer des feux autres que ceux qui seront allumés et bénis par le clergé afin de prévenir les incendies. Précaution probablement suscitée par un sinistre récent et nécessaire à cette époque. Les pompes à incendie étaient inventées, 1699, mais nos petites villes bretonnes n'en étaient pas pourvues. De plus, l'éclairage des rues n'existait pas. Le 16 décembre 1779, le Parlement avait porté un arrêt de règlement qui prescrivait à tous habitants des villes, bourgs et campagnes d'aller ou d'envoyer au secours en cas d'incendie et de travailler de toutes leurs forces sous peine de prison. Ordre est donné à chaque habitant de se pourvoir d'un seau dans sa maison et de mettre une chandelle sur sa fenêtre quand on sonnera le tocsin dans toutes les villes non éclairées, notamment Brest, sous peine d'amende. Le sénéchal. Quand nous avons dit la compétence de la cour, nous avons dit celle du sénéchal tenant audience, puisqu'il juge seul. Mais il a en outre, hors de l'audience, des attributions aujourd'hui dévolues au juge de paix. Il convoque et préside les assemblées, conseils de famille, organisant une tutelle, décrétant, autorisant un mariage de mineur, un emprunt, la dation d'un conseil judiciaire, etc. Il statue sur la position et la levée des scellés, etc. Enfin, le sénéchal a des prérogatives honorifiques. C'est lui qui, au moins, en l'absence du gouverneur, il ne réside guère, fait sonner la campagne pour convoquer à la chapelle Notre-Dame du Portail, dite du Rosaire au XVIIIe siècle, l'assemblée de la ville qu'il va présider. C'est le sénéchal qui, chaque année, quand le pape Gaud a été abattu, proclame l'heureux abatteur et l'intronise en sa royauté d'une année. Enfin, lorsque Concarneau reçoit un hôte de distinction, le sénéchal est d'ordinaire l'orateur chargé de lui souhaiter la bienvenue. Maintenant, serait-on curieux de savoir la valeur, le prix des offices de judicature à Concarneau et quels étaient les émoluments de chacun de ces offices? Dubuisson, qui nous a fourni tant de renseignements, n'a pas manqué de s'en enquérir. Il écrit « Il y a justice ou barre royale avec sénéchal dont l'office vaut de 8 à 9 000 écus et lieutenant 10 000 livres et procureur du roi. L'écu vaut 3 livres, monnaie de compte, 8 à 9 000 écus valent donc 24 à 27 000 livres. La livre de cette époque, 1636, est évaluée 832 de notre monnaie. 24 000 livres valent donc 91 968 francs et 27 000 livres valent 102 464 francs. Les 10 000 livres, prix de l'office de lieutenant, valent 38 320 francs. Poursuivons. Dubuisson est allé de Concarneau à Quimper, Là encore, il a pris ses informations et il écrit « L'office de Sénéchal vaut 20 000 écus, soit 60 000 livres, ou 229 930 francs de nos jours. » Et il ajoute « L'office de président au présidial vaut seulement 24 000 livres, 91 968 francs, à cause du peu de profit qu'il lui fait, n'ayant qu'une seule audience le vendredi, le Sénéchal occupant le reste. » Et les émoluments de ces offices payés si cher ? Je n'ai aucun renseignement en ce qui concerne les sénéchaussées ordinaires comme celles de Concarneau. En ce qui concerne les sénéchaussées présidiales, voici ce que nous pouvons dire. L'édit de 1552 créant les présidiaux allouait à chacun une somme totale de 1400 livres. Un édit de Henri IV de 1598 évalue cette somme à 466 écus deux tiers. C'est évaluer l'écu à 3 livres. La même lettre de Henri IV fait la répartition des 466 écus deux tiers entre les officiers du présidial. Il alloue au sénéchal 66 écus ou 200 livres, soit 3 000 francs, aux autres officiers la moitié, 33 écus ou 100 livres, soit 1 500 francs. Voilà de minces appointements. 3 000 francs d'un office payé une valeur de 229 390 francs, ce n'est pas l'intérêt de cette somme à 1 franc 30%. Mais il y avait les épices. Et s'il faut en croire Moreau, elles étaient considérables, du moins celles du sénéchal du présidial de Quimper. Elles auraient rapporté une somme représentant au moins 15 000 francs de nos jours, somme qui semble bien considérable. Nous persistons à croire que sénéchal et autres plaçaient la finance de leurs offices à de minimes intérêts et payaient très cher l'honneur de leurs titres.